Les participants à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée ont vu le 4 décembre au Palais de la culture du peuple à Pyongyang le film documentaire pour l'apogée de la révolution. Le film enregistre les exploits révolutionnaires immortels du maréchal Kim Jong-un qui encourage vigoureusement tout le parti, toute l'armée et tout le peuple à l'édification d'une puissance prospère socialiste et apporte, par la direction dynamique, la dignité et le potentiel de la Corée du Sud au niveau suprême.